Il n'y a rien de plus noble que cela dans le monde, et vous serez de pair avec les plus grands seigneurs de la terre. Le fils du grand Turc m'honore beaucoup, et je vous prie de me mener chez lui pour lui en faire mes remerciements. Comment? Mais le voilà qui va venir ici. Il va venir ici? Oui! Et il a même toutes choses nécessaires pour la cérémonie de votre dignité. Voilà qui est bien prompt. Son amour ne peut souffrir aucun retardement. Tout ce qui m'embarrasse ici, c'est que ma fille est une opiniâtre qui a été se mettre en tête à un certain Cléonte. Et elle a juré de n'épouser personne que ce Cléonte-là. Elle changera de sentiment quand elle aura vu le fils du grand Turc. Et puis ils se rencontrent ici une aventure merveilleuse. C'est que le fils du grand Turc ressemble à ce Cléonte. Un peu de choses près. Je viens de le voir, on me l'a montré. Si bien que l'amour qu'elle a pour l'un pourra aisément passer à l'autre. Et je l'entends venir. Le voilà. Tiens, c'est lui. Am Boussaïm, Kiborav, Jordina. Salam alaiki. C'est-à-dire, monsieur Jourdain, votre cœur soit toute l'année comme un rosier fleuri. Ce sont façons de parler obligeantes de ce pays-là. Je suis très humble serviteur de son Altesse turque. Karigal Kamboto Ustimuraf. Ustignoc, Katamaleki, Bazam, Bazé, Alamoran. Il dit que le ciel vous donne la force des lions et la prudence des serpents. Qu'est-ce que les gens disent, moi? Je souhaite à son Altesse turque toutes sortes de prospérité. Osa binanem sadok babali ujakafura. Belmen. Belmen? Belmen. Il dit que vous alliez vite vous préparer pour la cérémonie, afin de voir ensuite votre fille et de conclure le mariage. Tant de choses en deux mots. Eh oui, la langue turque est comme cela, elle dit beaucoup de choses en peu de paroles. Allez vite où il souhaite. Quel type! Quand il aurait appris son rôle par cœur, il ne pourrait pas le mieux jouer. Ah, monsieur! Je vous prie de nous aider séant dans une affaire qui s'y passe. Oh, Soviel, comme te voilà ajusté, qui t'aurait reconnu. Vous voyez? De quoi ris-tu? D'une chose, monsieur, qui le mérite bien. Mais encore. Je vous le donne en bien des fois, monsieur. À deviner le stratagème dont nous nous servons auprès de monsieur Jourdain pour porter son esprit à donner sa fille à mon maître. Ah, je ne devine point le stratagème, mais je devine qu'il ne manquera pas de produire son effet, puisque tu l'entreprends. Je sais, monsieur, que la bête vous est connue. Apprends-moi ce que c'est. Prenez la peine de vous tirer un peu de ce côté pour faire place à ce que j'entends venir. Vous verrez une partie de l'histoire tandis que je vous conterai le reste. Mahometa, Mahometa, Mahometa. Durga Jolina. Viva, viva, viva. Où là-bas, Balacho, Balaba, Balada. Questa sta l'ultima.